frontières de l'homme à la bête, de l'instinct animal, la conscience de nos actes, les pulses sont interdites, renonce aux désirs, des couleurs qui s'imposent à celles qu'on propose, au-delà des souffrances, qui siempre désigual, qu'une infime différence, qui siempre désigual. Au-delà des souffrances, qui siempre désigual, qu'une infime différence, qui siempre, siempre, siempre. Nos valeurs morales qui font ce partage inégal mais utile pour les cycles des siècles à venir et passer sans plus rien au milieu, pas même une chance de rester dans la danse, qu'une infime différence qui siempre désigual, dépassée d'ignorance qui siempre désigual. Qui siempre désigual, dépassé d'ignorance, qui siempre, siempre, siempre. Qui siempre. Au-delà des souffrances, qui siempre désigual, d'une fille différence, qui siempre, siempre, siempre. Qui siempre. Frontières de l'homme à la bête, de l'instinct animal, la conscience de nos actes, les pulses interdites, renonce aux désirs, des couleurs qui s'imposent à celles qu'on propose, au-delà des souffrances, qui siempre désigual, que l'infime différence, qui siempre désigual. Au-delà des souffrances, qui siempre désigual, que l'infime différence, qui siempre, siempre, siempre, qui siempre.